avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Oui, t'as raison, parce qu'il est... Surprise ! Il y a quelqu'un ! Salut. Pourquoi t'es venu ici ? Tout va bien. Alors, il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission ! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qui te fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. Ça ira mieux demain. L'émission. Que la fête commence, les amis. Et la fête commence tout de suite. Attendez-vous au pire. Et multipliez-le par deux. Le Targaryen, qui siège sur le trône de fer, n'est pas seulement un roi ou une reine. C'est le protecteur du royaume. Et maintenant, je me trouve dans une position impossible. Louange au roi Aegon. L'ennemi a usurpé mon trône. Nous allons à Port-Réal. Alors, une idée de ce que nous allons faire ? Il faut jouer la partie qui nous est présentée. La prudence est de rigueur. J'emmerde la dignité ! Je veux la vengeance. La nouvelle se répand à travers le royaume. Les grandes maisons se rallieront à notre cause. Je ne les imaginais pas si pressés de mourir. Ma flotte navigue sous vos ordres. Le seul espoir du royaume, c'est un chef assez puissant pour l'unifier. Vas-tu me reconnaître et m'accepter comme ta reine et ta souveraine ? Cette guerre insensée doit prendre fin. Tu refuses qu'on la gagne ? Pas de cette façon-là. Alicent a de l'affection pour notre ennemi. Ça la rend idiote. L'ennemi extérieur peut être combattu à l'épée. L'ennemi intérieur est plus insidieux. Il existe plusieurs moyens de mener une guerre. La guerre est à nos portes, et aucun de nous ne peut en sortir vainqueur. La saison 1 s'est achevée sur un moment choquant, la mort de Lucerys dans un combat aérien à dos de dragon avec son cousin Aemond, ce qui va déclencher la danse des dragons, c'est-à-dire une guerre de succession entre les deux branches rivales de la famille Targaryen, les Noirs du côté de Rhaenyra et les Verts du côté des Hightower. Et voici ce que dit Olivia Cooke, qui joue le rôle de la reine Alicent, sur la scène marquante, ce que nous promet la saison 2. Je dirais simplement que c'est Game of Thrones, il faut s'attendre au pire. Attendez-vous au pire et doublez-le. Je ne sais pas quoi dire d'autre sans tout spoiler, mais c'est odieux. Voilà les prémices qui vont avec cette bande-annonce qui est sortie il y a à peine 48 heures pour présenter cette saison 2, bien sûr, de House of the Dragon. Vous aurez reconnu l'ambiance, attendue dès le 17 juin, dans moins d'un mois, sur Max, avec une scène qui est attendue aussi choquante que le fameux Red Wedding, les noces pourpres en français, qu'il y avait eu lieu. Qui avait beaucoup fait couler d'encre dans la série Game of Thrones. Voilà, c'est donc très très attendu, ce grand retour après presque pas loin de 2 ans, 1 an et demi d'attente. Hein, oui, quasiment. Quasiment, donc il faudra voir ça sur Max. Alors Max, depuis, je ne sais pas, il va falloir se débrouiller pour voir ça parce que c'est... C'est plus aussi visible que ça l'était à l'époque de la première fenêtre d'House of the Dragon. En tout cas, on sera au rendez-vous au mois de juin pour vous en reparler. Et à mon avis, cette série, cette saison 2, fera parler d'elle. Lui, il fait parler de lui. Il sort une nouvelle chanson aujourd'hui. C'est Marc Lavoine. Alors, est-ce qu'il était à faune comme l'est en ce moment Pierre Garnier dans sa tournée qui ne peut plus chanter pendant 2 jours, le pauvre. En tout cas, le nouveau Marc Lavoine est plutôt dans le style parlé. Parler, chanter. Par contre, la mélodie est très très belle. Ça s'appelle « Pourrais-je dire encore je t'aime ?» Eh bien, réponse. T'es déjà brisé lorsque tu l'as pris dans ta main. J'ignore ce qui m'est arrivé et de quoi sera fait demain. Je n'ai rien demandé pourtant, j'essayais de me reconstruire. Je me sens si vide à présent, vais-je savoir encore écrire? Pourrais-je dire encore je t'aime? Change. Encore essayer d'avancer avec le sentiment étrange que la porte s'est refermée. Je vais rire et je vais sourire comme je l'ai toujours fait. Je vais essayer de dormir. Vais-je savoir encore rêver? Pourrais-je dire encore je t'aime? Passer le temps, je vais le prendre comme il vient, le perdre un peu de temps en temps, comme quand on promène son chien. Au fond, je n'en veux à personne, la nature humaine est ainsi. Si l'espérance m'abandonne, vais-je savoir vivre encore ma vie? Je t'aime. Pourrais-je encore dire je t'aime, nous dit Marc Lavoine. Un peu déprimé le garçon en ce moment, il doit avoir une rupture. Hein. Et donc, en tout cas, la musique est magnifique. Mais la musique est magnifique. On a envie de chanter. Hein, pourrais-je dire encore pas je moi. T'aime ton... Bon, mais d'accord. Ça, la Jones n'aime pas. Bah, non. Si, bon, bref. C'est du Marc Lavoine, quoi. Oui, c'est du Marc Lavoine. Pas obligé de dire, ah, c'est du Marc Lavoine. Hein. Pardon. Fais gaffe, sinon t'as pas ton Chihiro. Hein. Il a eu son bac d'anglais, Marc Lavoine. Je sais pas pourquoi. Ah là là, tout le temps. C'est pas vrai. Allez, maintenant on va rire parce que une série française sur Netflix qui cartonne. Ouais, c'est loin d'être un fiasco. C'est rare et c'est quand même assez rare hein, les séries françaises qui cartonnent sur Netflix. Et celle-là, elle est excellente. La bande-annonce tout de suite. Rien que d'écouter la bande-annonce, ça vous donne envie de regarder Fiasco. Écoutez-la attentivement, c'est à mourir de rire. Action ! On va le faire, le grand film dont on a toujours rêvé. Coupez ! Coupez ! Ça bouge la voix ! Huguette ! Huguette, mon amour ! Mon amour ! Aïe ! Putain ! Coupez ! C'est pas la Normandie, c'est le chicha, votre truc, là ! Mais je crois qu'il vaut mieux virer la fumée, sérieusement. Peut-être pas toute la fumée, parce que j'avais imaginé... Non. Toute ! Allez, toute la fumée, plus safe. Plus safe, exactement. Allez, ça tourne. Action, tu peux dire action. Action. Ah, plus fort. Plus fort. Ah non, tu dis action plus fort. Action ! Voilà. Si tu me loupes, j'aurai pas d'autre chance. C'est mon premier et mon dernier film. Ça va le faire, là, faut que tu te reboostes, hein. Oublie tous les gens qui disent que t'es qu'une merde sans aucun charisme. Hein ? Pourquoi, qui dit ça ? Non, mais personne, mais... Les gens à l'internat, quoi, au village, ta famille aussi. Bon, allez, super. T'as bien fait de passer, toi. C'est comme ça que tu me remontes le moral. Faut que tu t'affirmes. C'est toi le patron. C'est moi le patron. Allez, vas-y. C'est moi le patron. C'est bien, c'est comme ça que tu vas leur dire. Drame qui frappe le tournage du film. Injurieux et misogyne. Oh putain. Aucun réalisateur n'a le droit de se comporter comme ça. Espèce de porc. Robin Jacomet ne cautionne pas ça. Jean-Marc, c'est quoi cette putain de vidéo ? Quelqu'un d'équipe essaie de nous niquer de l'intérieur. Yeah ! Ah ! Eh ben, c'est fini. Banqueroute. Ok, il faut que je te demande un truc très important. Tu vas te faire passer pour un producteur fortuné auprès de Jean-Marc. Simple. On fait sobre, le plus crédible possible. Amen. Barthélé ! Il est extraordinaire. Ouh. Il va investir à hauteur de 8 millions d'euros dans notre film. 6 millions, 4 millions, 8 millions, 1 million, 10 millions, 9 millions, 8 millions, 3 millions, pour moi, c'est tout ça, c'est la même chose. Carrément beaucoup d'argent, enfin. Et puis j'ai toujours dit d'ailleurs, quand j'ai envie d'investir, j'y vais, je fonce, j'y vais, je fonce. Ah, filme pas, toi. Action. On va le faire, le grand film dont on a toujours rêvé. C'est un bordel, là. Coupé, coupé. Non, c'est Raphaël qui dit coupé. Non, mais c'est son pied qui est coupé. Oh là, alors oui, coupé. Magali, c'est le pied qui est coupé. Oh, ce fiasco. C'est quoi ce délire ? Alors, vous m'avez retardé de minutes. Putain, je monte dans les tours, hein, je monte dans les tours. François Cluzet. Oui, oui, François Cluzet. La soirée de fou. Voilà. J'ai déjà écouté 3 ou 4 fois cette bande-annonce et à chaque fois, ça me fait rire. C'est voilà, ça s'écoute. Là, en plus, ce qui est bien, c'est coupé, c'est... coupé. Non, mais c'est le pied qui est coupé. Et c'est vrai qu'on a même pas besoin d'image. Là. C'est vrai qu'elle est très. C'est pas toi qui est coupé. Voilà, bah oui, ça marche sur Laurent. Donc, le seul truc, c'est que je me dis, j'espère qu'on n'a pas eu tous les blagues dans la, hein, comme certains films comiques. Des fois, vous allez au cinéma, ouais. Tout est dans la bande-annonce. Ouais. Et après, en tout cas, ça cartonne plutôt bien. C'est l'histoire de Raphaël Valande qui entame le tournage de son premier long métrage, vous l'aurez compris. Une aventure traversant les époques depuis la préhistoire jusqu'au débarquement en passant par les Vikings, donc d'où les costumes hein, dont on entend parler à un moment donné, pour rendre hommage à la vie héroïque de sa grand-mère qui était résistante. Mais rapidement, les problèmes s'accumulent, on en a vu quelques-uns, et le tournage tourne peu à peu au cauchemar. Et pour cause, quelqu'un de l'équipe tente de saborder le film de l'intérieur. Voilà. Cet épisode, voilà, je ne sais pas si c'est prévu d'avoir une autre saison, mais en tout cas, c'est à voir. Et c'est avec Pierre Niney que l'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans un film comique comme ça. Il y a aussi Géraldine Nakache, Pascal Desmoulon qui est à mourir de rire, et Leslie Medina, entre autres. Donc, si vous avez envie de passer un bon moment... Eh bien, cette série-là sur Netflix, cette série française, qui, franchement, est, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout sauf un fiasco, même si le film, lui, l'est, je pense, énormément. On ne sait pas si à la fin, il va sortir ou pas. En plus, c'est un concept assez rapide, c'est 35 minutes l'épisode. Donc cet épisode, ça se voit vraiment rapidement. Vous pouvez passer une soirée complète avec Pierre Niney et sur Fiasco. On continue. Donc là, je mets la bande-annonce suivante. On continue avec Maxton Hall. Oui, on en a parlé tout à l'heure, donc on découvre la bande-annonce et je vous reparle de Maxton Hall tout de suite après. Le lycée Maxon Hall est pas juste une école. C'est l'une de celles qui compte. Le monde accueille à bras ouverts quiconque y a étudié. Depuis des générations, des familles comme les Beaufort ont plus d'argent et de pouvoir que certaines familles royales. Et je suis invisible à leurs yeux. James Beaufort incarne tout ce qui ne va pas dans le monde des riches. Un privilège surdimensionné et une arrogance teintée d'ignorance. Hé. Hey. Ce que tu as vu dans le bureau de Sutton ne s'est jamais passé. En fait, t'es encore plus con que je le pensais. J'ai aucune idée de ce que t'as en tête, Belle. Mais ça m'est égal, ça change rien. Quelqu'un comme toi ne peut pas atteindre les gens comme nous. Montre à ces idiots qui est Ruby Bell, ok? Voilà, Maxon Hall, Maxon Hall, cette série allemande dont on ne reconnaît pas le côté allemand, comme je disais tout à l'heure. L'histoire, c'est bien sûr Ruby, qui involontairement témoin d'un secret explosif à l'école privée de Maxon Hall. L'arrogant héritier millionnaire James Beaufort doit faire face à la vivacité d'esprit de l'étudiante. Pour le meilleur et pour le pire, il est déterminé à faire taire Ruby. Leur échange passionné de mots déclenche inopinément une étincelle. Alors c'est, comme je le disais tout à l'heure, tiré d'un livre de Mona Kasten qui s'appelait Maxon Hall Save Me, Sauve-moi. Il y a trois livres, donc la possibilité de faire au moins trois saisons. La deuxième est déjà prévue. Et avec, là, je m'adresse à Manon qui a bien regardé la première saison comme moi, avec un problème majeur dans la saison 2. Aurais-tu une idée de quel problème majeur il pourrait être ? Par rapport à ce qu'on a vu dans la saison 1 ? Oui, mais tu le devineras pas. Et tu peux essayer, bah, voilà. Mais... Alors dis-le-moi. Non, non, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Non, ça n'a rien à voir avec l'histoire autant que telle. Si, peut-être. Il y a un personnage qui n'est pas physique, mais qui est omniprésent dans la série. Quel est-il ? Le chauffeur. Physique, j'ai dit. Qui n'est pas physique, n'est pas donc physique. Le bâtiment de l'école. Ah, voilà, bonne réponse pour Laurent qui n'a pas vu la série. Effectivement, le bâtiment de l'école qui est un château allemand. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est une série allemande qui est censée se passer en Angleterre et donc tourner dans un superbe château allemand près d'Hanovre. Si, au sud d'Hanovre, le château de Marienburg. Et il y a un gros problème avec ce château, puisqu'on a découvert dans ce château la présence d'un champignon destructeur de bois. C'est ça la deuxième saison ? Non, c'est dans la vraie vie. Non, c'est dans la vraie vie, ça. C'est dans la vraie vie. Le problème, c'est que sur le plateau de tournage, voilà, ça va être perturbé parce que le château est attaqué par Merci Laurent, tu suis. Donc effectivement, ils ont découvert un champignon destructeur de bois dans la structure du toit du château. Je sais pas si tu as vu le château, c'est un magnifique château. Non, j'ai pas vu. Un peu dans l'ambiance, tu vois, le château d'Harry Potter. Ouais. C'est un peu dans ce style-là. Ok. Donc avec une toiture à l'ancienne tout en bois et donc le champignon est en train de bouffer la toiture et donc forcément, ça pose un petit souci parce que on est en train donc d'écrire le scénario de la saison 2. Le tournage va arriver dans quelques semaines ou quelques mois. Et vraisemblablement, tout n'est pas ouvert pour pouvoir tourner dans ce château-là. Mais après, la prochaine saison, ils ne seront plus trop à Maxon Hall. Parce qu'ils sont ailleurs, là. Voilà. Donc, effectivement, comme on a l'impression de dire qu'ils sont l'équivalent d'être en terminale, et donc ils partent, en théorie, à Oxford. Et donc, vont-ils délocaliser le lieu dans un autre château pour évoquer la ville d'Oxford. Bien vu, Manon. Ouais, Laurent. Bonjour, je m'appelle Laurent. Alors, la plupart du temps, on m'appelle Gauthier, donc en tout cas, ça ne me perturbe pas. Hein. En tout cas, cette série est vraiment cartonne actuellement. Et en allemand, ça s'appelle que je vous dise le Maxton nom. Maxtonhall Die Welt zwischen uns, c'est-à-dire le monde entre nous. Un monde entre nous. Et en français, ça a été traduit, Manon, par un monde qui nous sépare. Ce monde qui nous sépare. Voilà. C'est la seule. C'est quand on a regardé cette série, on s'est dit, ah bah tiens, c'est pas anglais ça, puisque c'est écrit en allemand. Sinon, ça ne se voyait pas. Et bien sûr, on a un petit peu reconnu les châteaux qui sont typiquement allemands et pas du tout dans le style des châteaux que l'on peut connaître en Angleterre. Et... Par contre, comme on parle d'Oxford, ils ont quand même mis des images d'Oxford. Oui. Mais il y a des moments dans la série, donc on entend rester groupir. Non, mais on pourrait. On aurait pu. En tout cas... Manon, on perd des neurones. Ouais, là, je suis fatiguée. Vous m'avez fatiguée. Oui. Allez, on va se réconforter dans tes bras. C'est le nouveau single... Enfin, le nouveau single. Le premier single de Sissika. Qui est Sissika? Nous, on connaissait Sissika. Arrête de dire Sissika, CCK. CCK, c'est pas terrible. Bah, je sais pas. Oui, moi, j'ai CCK. Et Sissika, c'était une des chanteuses de Dieter Bohlen, ex-Modern Talking. Là, t'as pas connu. Hein. T'as pas connu, toi. T'es Jones. Arrêtez de m'agresser. T'as pas la référence. Après, si tu demandes à Laurent, on peut avoir un Sissi Catch. Voilà. Jour, hein. Je vais te mettre un Modern Talking pour te remettre dans l'ambiance. Non, ça ira, merci. Non, mais c'était bien Sissi Catch. Oui, c'était bien Sissi Catch. Bon, c'était les Modern Talking en féminin. Là, oui, on a dérivé. Oui, alors là, on n'est plus sur Sissi Catch, on est sur Sissika. CCK, et c'est la fameuse Clara. Clara dans. Mais pourquoi elle s'est fait appeler Sissika? Parce que c'est son nom d'artiste. Elle a dit qu'elle voulait se détacher de son image de la Starac et que voilà, son nom d'artiste, c'est ça. Alors, elle a commencé en tant que CCK, donc elle continue. Ok, bah alors, c'était déjà son pseudo avant. Oui, quand elle chantait sur les réseaux et tout. Elle reste cohérente, on va dire. Voilà, bravo. Voici donc. Et c'est Clara, c'est. Je sais pas c'est quoi son nom de famille, mais en gros, c'est son nom de famille. Quoi. Clara Claudine Casse. Voilà. Ouais, hein, voilà. Donc on écoute dans tes bras et puis voilà. Ouais. C'est un peu la fille qui veut pas nous perturber, qu'on peut plus. Allez-y, dites saucisson, cacahuète et puis ça roule. Ah oui, ça me donne faim tout ça. Oui. Allez. Oh, il est 19h en plus, c'est vrai. Un peu plus même. Ouais. Allez, CCK. Dans un peu plus d'une demi-heure, on a l'autre 40. Oui, hein. Avec. Bon, on écoute dans tes bras là, on s'en fout. Avec Dieter Bohlen remix machin truc. Ah oui, il entre. Il est encore. Bah, il est déjà entré la semaine dernière, hein, si t'écoutais. Mais tu l'as pas écouté la semaine dernière. Bah, excuse-moi, moi, à 20h. Non, c'était peut-être cette semaine. Je suis à 20h, je dors. Oui, t'as raison. Bah, il est dans le classement là. Ok, bah alors je vais jeter un œil. Voici donc Sissika dans tes bras. Sissika. Ça ira mieux demain. L'émission! Je préfère. je préfère quand tu m'attires, quand tu m'attires dans tes bras. Voilà, on va la faire rencontrer Marc Lavoine, hein, comme il savait plus s'il pouvait encore dire je t'aime. T'en penses quoi, Laurent? Oh bah... Mais c'est bien, non? Ah, bah, c'est-à-dire que moi... N'importe quoi. Eh, t'as vu, t'as demandé du Sissi Catch? Il y avait du Sissi Catch dans... Écoute-moi ce son! Ça, c'est du Ball and Sound! C'est du son de Dieu, oui? Non. Je suis avec des fous, vous les verrez dans le studio là. Plus ta danse, elle va pas du tout avec le son là. Non mais attends, ma grande, ce serait si je pouvais faire danse avec les stars. Tu me diras. Laurent, si on faisait tous les deux danser avec les stars, ça ferait le carnage. Bah, ça serait drôle. Oh là, regarde celui qui était quasiment en finale. Là. Il savait pas danser au départ. Hein. Et ben, je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, tu nous mets faux voto. Tu vas voir ce qu'on va. Hein. Non mais là, je pense que celui qui dit j'achète, là, je sais pas comment il s'appelle. Jean-Marc Généreux. On passe, on arrive sur scène, il dit pas j'achète, c'est sortez. Mais non, il y a. Voilà. Bon, enfin. Moi, je trouve que Clara mérite plus de reconnaissance. Elle a une superbe voix, elle devrait être plus connue. Oui, c'est vrai. C'est vrai, là, on a dévié. C'est vrai que. Tu te fous de ma tête, là, Laurent. Hein? Ah non, il y a une puissance dans ce titre, mais c'est incomparable. J'ai eu un message de Jean-Luc qui me disait que les composants étaient en train de sautiller dans la table de mixage. Bon, allez, c'était hallucinant. Il faut le mettre en mute, là. Il est où le bouton? Allez, bon, sans plus attendre, parce qu'il est déjà 19h30. C'est la première fois de ma vie où on me dit qu'il faut me mettre en mute. C'est quand même excellent. Faut mettre Laurent en mute. Oui, ça c'est vrai. J'ai une collègue à un moment donné qui m'a dit quand même, t'es trop long, tais-toi. Mais là, en mute. Bah bon, voilà. Laurent dit mute. Son petit surnom mute. C'est mignon, tu me diras. Ah oui. Manon, elle m'appelle mute. Voici mute. Destination série présentée par mute. Bon, il est 29 et presque 30. Oui. Alors déjà, Chihiro passera la trappe. Oh non. Si, on finira avec... Mais c'est à cause de sa chanson, oui, là. Oui, bah, c'est à cause de sa chanson, mais parce que je veux qu'on finisse par le gagnant de l'Eurovision. Oh, j'en ai marre avec l'Eurovision. À chaque fois, je dis l'Eurovision. Le gagnant de The Voice, Aurélien Vivos. On se quittera avec lui. C'est son single qui sort aujourd'hui la plupart du temps. Et comme c'est la finale de The Voice demain, je vais faire un petit... Et il chantera la chanson demain dans The Voice, mais il la chante déjà chez nous la veille. Merci, Aurélien. Avant cela... Je voudrais quand même vous présenter une autre série. Alors, on a fait une série allemande, on a fait une série française. Eh bien, oui, cette semaine, pas de série anglaise, pas de série américaine. On termine avec une série... britannique, turque. Moi, je vous écoute. Si, ça s'appelle « Merci et au suivant ». Ou en anglais, si vous préférez, « Next ».« Thank you, next ». Alors, ça, c'est Ariana Grande, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est aussi le titre en anglais de cette série. Alors, avec des noms à coucher dehors, hein, Serenia Sayaka, Metin Adgugluk et Boran Kuzum, pour vous dire que c'est bien. Bah, parce que nous, on est du côté de la France, oui, mais oui, chez eux, c'est peut-être Benoît et Laurent ou Manon qui a couché dehors. Oui, je sais bien. Non, mais je veux dire, c'est vous dire que c'est l'ambiance, c'était bien une série turque. Ah oui. Après une rupture douloureuse, une jeune avocate se plonge dans le monde déroutant des rencontres modernes avec le soutien indéfectible de ses meilleurs amis. Alors, j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure quand on parlait de Maxton Hall. Je vous ai dit que ça me faisait penser à... Emily in Paris. Rien du tout, je me disais bien que c'était bizarre. J'ai fait un bug. C'est cette série-là. Moi aussi, je trouvais ça bizarre. Oui, ça n'avait rien à voir. Merci. Et au suivant, qui me fait penser à Emily in Paris. Voilà, parce que moi, je me suis dit, c'est comme si on disait que la petite maison de la prairie ressemble à NCIS ou je sais pas quoi. Hein. Non, parce que je m'explique. C'est une avocate qui, effectivement, avec ses copines qui sont dans son cabinet d'avocate, eh bien, va vivre des aventures un peu extravagantes avec un trio d'hommes, on va dire, puisqu'il y a son ex... avec qui elle se sépare, il y a un cuisinier qu'elle va rencontrer sur une appli, mais qui est vraiment presque, je dirais, l'homme idéal, qui lui fait la cuisine, qui l'adore l'hôte et tout. Et donc, voilà, elle entame une relation plutôt stable avec lui. Et puis, son cabinet va lui demander eh bien, de gérer une affaire de divorce entre un homme fortuné et son épouse, et elle va rencontrer ce fameux homme fortuné qui va inévitablement aussi l'attirer, même si elle le déteste. C'est un peu ce trio qui a du mal à démarrer. Hein. Moi, j'aime pas. C'est moi qui a proposé la série, mais j'étais pas fan. Voilà, oui, mais je l'ai dit. Au fur et à mesure. Non, si, même pas. Même pas. Ah, mais je trouve que cette série, tu vois, il pourrait mettre Sissika dans tes bras en générique. Dans tes bras, je pense que par rapport au thème, ça irait très bien. Peut-être aussi. En tout cas, voilà, c'est ce tri. Et je trouve qu'elle met du temps à démarrer. Mais après, on a envie de savoir avec qui elle va finir. Donc, voici la bande-annonce. Oui, c'est vrai. Voici la bande-annonce. Et après, Aurélien Vives. Et après, on se casse. Parce que moi, j'en peux plus avec ces deux lascars. Plus personne ne fait attention à ce que je dis. Allez, la bande-annonce. Leila Thailand. Raconte, c'est qui? Sheyaz. Sheyaz dormirait pas dans la baignoire si j'étais célib, il est mignon. Il est ken. Je me laisse porter. Oh, il est grave sexy. Et il a un charisme assez incroyable. J'aime mon ratan te dévore des yeux depuis que t'es arrivé. Le type a déjà eu 3 femmes et aucune d'entre elles l'a gardé plus de 3 ans. Ce gars me sort par les yeux. Il est tellement fourbe et manipulateur. Si ça se trouve, c'est un super coup. Bonjour. Pourquoi vous pensez à moi tout le temps? Regardez la page sous le coude, ça peut servir pour les longues soirées d'hiver. Lille. Tu crois pas que notre relation mérite une deuxième chance? Homer, tu m'as menti. Je t'aime. Si je t'aime. On dirait qu'une mystérieuse force vole tout l'amour. Je ressens encore tellement de rage quand je repense à toi. Niveau moral, je me sens complètement paumée. Mais quand les gens me demandent, je dis toujours que ça va. J'ai peur que les choix que je fais, qui semblent être bons sur le coup, se révèlent être des erreurs monumentales. Et que je finisse ma vie pleine de regrets. C'est une erreur. Ma plus grosse erreur, c'est toi. J'en ai tellement assez tout le temps cherché à bien faire. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, entre ces 3 hommes, quel va être le choix final? Nous, on n'a pas été jusqu'au bout, jusqu'à même temps. Apparemment, il y a du suspense jusqu'à la dernière seconde. Manon? Oui, bah apparemment, c'était bien et c'est pas bien. Donc... Pardon, désolé. Pourquoi? Je suis un peu pessimiste. D'accord, bon. Elle, comment elle va... ça peut être bien et pas bien? Oui. Mais non, mais les critiques la décrivaient comme une bonne série. Oui. Moi, j'ai pas accroché. Ah, d'accord. Donc, voilà, c'était l'avis super qui va vous donner envie de regarder, hein, si vous êtes jeune. Non, allez. Mais regardez pour votre propre avis, après vous nous dites. Oui, c'est oui. Ça. Oui, après, allez sur samedi.fr et dites qui a raison. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis au revoir, hein, parce qu'il est largement l'heure de se barrer. Regarde, la prochaine, c'est Billie Eilish, c'est pas la tienne. Mais non. C'est Aurélien Vivos, parce que c'est à gauche qu'il faut regarder. Tu veux Aurélien Vivos? Parce oui, que oui. Normalement, c'est le lecteur. C'est Aurélien Vivos avec la plupart du temps. Alors il faut que je trouve Aurélien Vivos. Bah, il est à gauche. Ah oui, mais après quand je vais dire à l'ordinateur de reprendre le contrôle, lui d'accord. Il va vouloir le lecteur 1. Bon bah Manon chante une chanson en attendant. La. Non. Donc il faut que je trouve Aurélien. Il est où Aurélien? Il est là. Il est là. Je le mets. Donc là. Aurélien Vivos qui a gagné The Voice l'année dernière, non, qui a pas sorti, l'Eurovision. Qui a gagné. Ce qui a gagné donc The Voice l'année dernière, qui sort son single aujourd'hui et qui nous chante la plupart du temps. Il sera demain dans la finale de The Voice. Mais Aurélien Vivos, c'est l'année dernière, l'Eurovision, c'était pas... The Voice. Ah, The Voice, parce que moi, j'ai été dans l'Eurovision. Non. Et mais il dit que des bêtises depuis tout à l'heure. Je me disais bien qu'Aurélien Vivos, il n'avait rien à voir avec l'Eurovision. Non, c'est le gagnant de The Voice 2023. C'est bon, grave. Allez, il n'y avait pas de Charlie Co aujourd'hui, heureusement. Hein, parce j'espère, parce qu'ils m'entendent des conneries à la place. Hein. Des bêtises, s'il te plaît. Pardon, oh là là. Excusez-nous. Hein, oui, il faut nous excuser. Pour parce nos que là... débordements de toutes parts. Oui, c'est vendredi. Hein. C'est vendredi, c'est le week-end. Enfin. Et voici Aurélien. Aurélien Vivos, la plupart du temps. Voilà. Et comme disait Jacques Martin en son époque, ça va marcher. Ça va marcher, on l'espère pour lui, dans 23 minutes maintenant, le Hot 40. Et puis nous, on se retrouve du coup dans 15 jours. Hein. Et puis moi, la semaine prochaine, c'est ça. Quand même, parce alors, que si j'ai cru comprendre, ça s'arrête à 20h. Donc moi, j'ai de la chance, je peux caser mon Hot 40. Alors moi, je tiens à préciser que moi, ça va être un bonheur d'écouter le jardin de Michel. Oui, parce qu'il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Par contre, moi, je commence à en avoir ras-le-bol du mien. Il pleut, il fait soleil. Moi, être dans mon jardin avec ma tondeuse, c'est pas oui, trop... Oui, alors ça, c'est le cas de tous nos jardins. Bah, même au jardin de Michel, hein, ils vont pas arrêter de tondre. Hein, parce que entre cette semaine, ils tondront plusieurs fois. Hein, si ouais, bah, moi, j'irai au jardin pour écouter les musiciens, mais qu'on compte pas que je vienne avec ma tondeuse. Oui, elles sont nulles, vos blagues. Oh, c'est nul, hein. Sortez, mademoiselle, sortez. Non, ah non, c'est vrai qu'on dit plus mademoiselle. Madame, sortez. Voilà. Sortez. Non. Le Manon Sériquiz est fini. Je veux pas. Allez, la plupart du temps, oui. Laurent tond sa pelouse le week-end. Et voilà. Sans doute, moi croisons aussi. Les doigts pour demain. Bisous, à dans deux semaines. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Et à tout à l'heure pour le Hot 40. La plupart du temps, tu ne m'imagines pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans mes rêves immenses. La plupart du temps, tu ne sais pas où je pars. Dans quel dessin bizarre, entre quelles pages blanches, je vais sensible en m'envolant. La plupart du temps, tu vois sauvage et innocent, je suis un enfant. La plupart du temps, crois-moi, grand rêveur impatient. La plupart du temps, je suis un enfant. La plupart du temps, j'ai des héros à moi. Des monstres et des dragons dont j'invente les noms le long de mes romans. J'ai des pensées étranges, des peurs comme des nuages qui ne sont pas de mon âge et me promènent souvent de bonheur en frissons violents. La plupart du temps, tu vois.